c'est mes grandes vacances, c'est parti pour un mois, je change, je suis heureux. Youpi, youpi, nous partons en vacances, mais dans le ciel de France, pas un coin de ciel bleu. Demain, je serai au bord de la mer, avec ma femme, mon chien et quelques packs de bière. 15 heures de voyage, il fait toujours pas beau, je demande à ma femme d'ouvrir une bouteille de gros. Tiens, tu me mets une gros là. Ah et voilà les orages, c'est parti pour des heures. Coincé dans la tente avec l'ami maître brasseur. Ma femme vient de verdir, elle a une drôle de tête. Je crois qu'elle va vomir. Ah c'est déjà fait en fait. Putain faut pas vomir ici, espèce de morue. C'était déjà plein de boue, et voilà que maintenant ça pue. Coincé dans 2 mètres carrés, dehors il pleut à seaux. Je demande à ma femme d'ouvrir la bouteille d'ouzo. Tiens maman, tu ouvres la bouteille d'ouzo? La pluie s'arrête enfin, les duvets vont sécher, et le vomi aussi. Je sors de ma tente, je titube et je tombe. Pas de plage aujourd'hui, je suis raide, je succombe. Après 10 heures de sieste intense, j'ai pu récupérer. Je prends mon maillot de bain et mon canard en forme de bouée. J'ouvre ma petite canadienne, aïe, c'est déjà trop tard. Les 10 heures de soleil passées, je retourne au plus bas. Tiens d'abord, fais-moi un petit Ricard là. Jamais en Bretagne.